Toujours le même jour, s'est tenu à l'ancien camp secret du Mont Paektu le rassemblement pour prêter serment d'honorer à jamais le grand général Kim Jong-il et de parachever l'œuvre rêve-sonneur Chuché sous la direction du parti. Y ont pris part le sous-maréchal Fang Byung-sun, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée, des officiels des organismes du parti, des forces armées, du cabinet ministériel, des organisations des travailleurs, des ministères et des établissements centraux, des militaires de l'armée populaire, des cadres et membres de la division 16 février, des cadres, travailleurs et méritants de la province du Yangon et de l'arrondissement de Samdeon. Y ont pris la parole Oh Soo-yong, vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée, le sous-maréchal Fang Byung-sun et Chun Yong-nam, premier secrétaire du comité central de l'Union de la Jeunesse. Le rassemblement a été suivi du lancement des feux d'artifice au ciel du lieu sacré de la Révolution.